Madame Michel, Anthony Brinig, Arnaud Prudon, Patrick Taliercio, et SAV 99. Ah, mettez-vous un peu comme ça. Là ? Vous m'entendez là ? Oui. Pourquoi ils n'ont pas fait une ouverture pour parler ? Ouais, non, parce qu'il y a des risques. Quels risques ? Il y a des risques quand même. Oh non, non, non, non, parce qu'il y aurait des risques. Vous savez, comme à la poste. Ah oui, mais à la poste, c'est pas pareil. Hein. Ah bon. Et vous ouvrez jusqu'à quelle heure, là ? 5h. 5h ? 4h30, je ferme. À 5h30 ? 4h30. 4h30. Donc à 4h30, il n'y a plus personne qui vient. Oh, à 5h, il n'y a personne, alors. Ah bon ? Alors, Parce qu'il y a moins de passage. Eh bien, oui. Il est curieux, lui. Oui, monsieur. Oui, oui, allez-y, monsieur. Le pauvre est âgé, quand même. Mais à 5 heures, il n'y a plus personne. Hein. Il n'y a personne à moi à 5 heures. Hein. Il n'y a personne à 5 heures, hein. Non? Merci, monsieur. 10 centimes, non, je crois qu'il a mis. Il n'a pas mis dans la boîte. Deux cinquante. Je ferme la porte parce que le chauffage, il s'en va dans les escaliers. Ils ont séché les escaliers un peu. Mais ça retombe, on dirait. Mince, je les ai épongés 3 fois, hein. Mince. Si ça tombe, mais ça tombe. Bonjour, monsieur. Merci, monsieur. Bonjour, monsieur. Je vais y aller. Merci. Il est revenu parce qu'il a vu que c'était bien nettoyé, il a remis une pièce. Au revoir, monsieur. Au revoir. Au revoir. Il n'est pas français. Il y a un autre. Non, lui, il donne rien. Je le sais qu'il donne rien. Tout le monde ne donne pas, hein. Pour lui, si tout le monde donnait, on se ferait 100 ou 150 francs par jour. Avec le monde qu'il y a, c'est vraiment mieux. Ça fait rien, il faut se contenter de ce qu'on a. Vous voyez qu'il n'y a rien donné, le type. Je le savais. C'est quoi qu'il y a au mur? Je sais pas. Oui, parce que c'est curieux hein, comme matière. Non, je crois que quelqu'un venait. Vous avez un drôle d'espace là. C'est. Oh, c'est petit, mais. Ouais. Ça fait combien? Ça fait. 2 mètres sur 2. Oh, à peu près, oui. Vous avez pas l'impression des fois d'être un peu enfermé ici? Oh non. Non. Mais là, cette vitre. Ah oui, mais c'est fait exprès pour pas que. Pour pas que quoi? Pour pas que les gens rentrent et puis que. Qu'on nous. Qu'ils nous donnent un coup de poing, quoi. Ah bon? Eh bien oui, parce que. Ça vous est déjà arrivé? Non, non, non. Qu'est-ce que vous faites alors là? Vous êtes là, la journée? Oh, je fais des mots casés. Si c'est pas 5 heures, eh bien. Je m'assois et j'attends. Merci, monsieur. Merci. Merci. Au revoir. Il se réveille, là. Ça vous agace pas, le bruit? Non. Et quand les téléphones sonnent, alors c'est pire. Parce qu'il est monté à fond. Il y a des gens qui vous appellent? Oh, non. On peut nous appeler, mais on peut pas téléphoner. Il vous est arrivé des choses spéciales ici? C'est toujours pareil, finalement. Eh bien oui, c'est toujours pareil. Matin, après-midi. Ça vous ennuie pas, ça? Non, non. Que ce soit toujours pareil? Non. Dans l'absolu, si on vous avait donné à choisir, qu'est-ce que vous auriez aimé faire comme travail? Eh bien, plus jeune, j'aurais aimé faire du piano. Ah. Ah oui, c'est le piano qui m'intéresse. Et vous n'avez pas pu? Non, parce que j'avais 5 frères, ma mère m'a dit, c'est pas parce que t'es une fille que tu vas apprendre la musique. Et puis tes frères, ils balayeront les rues. Alors, j'ai encore 2 ans à faire. Et après, vous êtes à la retraite? Oui. Qu'est-ce que vous avez fait? Et j'irai dans un foyer de 3e âge. Et oui. Jouer aux cartes, jouer aux ramis, avoir un colis à Noël. Et oh. Merci, monsieur. Vous êtes marié? Non, célibataire. Vous vivez seul? Oh, ben quand j'étais jeune, j'ai fréquenté 2 hommes. Et ben, un ne voulait pas travailler et l'autre, il passait qu'à sortir. Alors, faire des enfants avec ça, et ben, j'étais bien montée. Oh, ben j'en voulais 3, mais bon, j'en ai aucun, mais ben, tant pis. Tant pis. Et tant pis pour moi, hein. Vous croyez en Dieu, madame Michel? Oui, j'ai été baptisée, j'ai fait ma communion, hein. Et j'étais à Pibrac, même. Vous pensez qu'il y a une deuxième vie, après la mort? Oh non. Au paradis. Ou en enfer? Oh, au paradis plutôt, oui. On va forcément au paradis? Eh bien oui, hein. Tout le monde va au paradis? Eh bien oui. Et le cimetière, c'est le paradis, hein. Et oh, de quoi on parle? Hein? Et oh. Non, monsieur! Vous allez chez les dames, là-bas. Allô? Non, monsieur, c'est un place des Carmes. Ce que vous demandez. Eh bien oui, mais c'est les toilettes des Carmes, ici. C'est un place des Carmes, monsieur.